130 livres, chronique du 6 septembre 2022, La Maison des Feuilles, de Marc Danielewski. C'est donc en pleine crise du papier que M. Toussaint Louverture a publié un bottin de plus d'un kilo d'œufs, édition remasterisée couleur d'une œuvre culte bien plus proche ici de sa forme originale que de la traduction parue en 2003 chez De Noël. Le livre n'impressionne pas seulement par son poids, on sait, le soin maniaque porté par l'éditeur à la fabrication d'objets beaux et complexes, et cette maison des feuilles aura ainsi constitué pour lui un formidable terrain de jeu. La nature même de son intrigue à tiroir nous renvoie à l'époque de l'action, celle de la fin des années 90, au temps où le projet Blair Witch lançait la mode des found footages horrifiques, et Ring consacrait les histoires d'œuvres maudites vouées à tourmenter ceux qui les consultaient. L'introduction a valeur de mode d'emploi. Elle est signée Johnny Arendt, d'un tatoueur de Los Angeles, nous expliquant comment un invraisemblable manuscrit récupéré dans l'appartement d'un vieillard décédé nommé Zampano a bouleversé sa vie. Le livre est l'exégèse d'un documentaire introuvable largement considéré comme une fiction, le Navidson Record, et Johnny a décidé de le publier malgré les terribles effets qu'il eut sur son quotidien. Débute alors la fameuse étude de Zampano, copieuse à l'extrême et riche de nombreuses annexes ajoutées par Johnny ou l'auteur lui-même. Le faux documentaire présumé serait le fait d'un photographe de guerre récompensé par le prix Pulitzer, William Davidson, et traite d'une maison située en Virginie dans laquelle serait apparue une pièce supplémentaire. En fait, un dédale inextricable défiant tous les postulats d'Euclide. Le film débute dans l'allégresse alors que la famille Davidson emménage dans la maison d'Ashtree Lane, truffée de caméras pour l'occasion. L'intention d'origine consistait à garder une trace de l'installation de William, sa compagne Karen et leurs enfants Chad et Daisy. Le couple new-yorkais, formé par l'ex-mannequin et le photojournaliste, vit les prémices d'une crise et tente un nouveau départ dans la verte campagne proche de Washington, D.C. Au retour d'un mariage à Seattle, la famille découvre à l'étage la nouvelle pièce obscure, d'abord très exiguë. Fait troublant, une fois mesurée avec précision, la maison s'avère plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'étrange espace s'étend peu à peu, le couloir à son entrée s'étire, de nouveaux embranchements apparaissent et les échos comme la lueur des lampes torches s'y avèrent trompeurs, l'agencement des pièces semblant évoluer à mesure qu'on les arpente. Karen se garde bien de pénétrer cet endroit insensé. William brûle de l'explorer et les tensions entre eux s'en trouvent ravivées. Extrait. Ceux qui explorent le labyrinthe et dont le champ de vision est profondément restreint et fragmenté sont désorientés, tandis que ceux qui contemplent le labyrinthe dans son ensemble, que ce soit en le surplombant ou en l'étudiant sur plan, sont émerveillés par sa complexité. Ce qu'on voit dépend de l'endroit où on se trouve, ce qui fait que, dans le même temps, les labyrinthes sont simples, il n'existe qu'une seule structure physique, et doubles. Ils incorporent simultanément l'ordre et le désordre, la clarté et la confusion, l'unité et la multiplicité, l'art et le chaos. Ils peuvent être perçus comme un chemin, un passage linéaire mais détourné vers un but, ou comme un motif, un dessin absolument symétrique. Notre perception des labyrinthes est ainsi intrinsèquement instable. Changez la perspective et le labyrinthe semblera changer. Glacial, la partie obscure de la maison rejette les animaux domestiques. Boussoles et altimètres n'y fonctionnent plus. Après avoir sollicité son jumeau Tom et l'ingénieur paraplégique Billy Reston pour aider à percer le mystère, William fait appel à Holloway Roberts, explorateur professionnel avide de gloire qui flaire le bon coup, flanqué de deux assistants. Dévidant du fil de pêche tel Ariane lors de leur recherche, ils découvrent une hauteur sous plafond insensée alors qu'un grondement résonne dans le lointain. Un gigantesque escalier en spirale s'enfonce dans les ténèbres. Après 7 jours d'une quatrième exploration, un SOS résonne. Rompu au quotidien périlleux de sa profession, Navidson décide de partir en mission de secours avec Tom et Billy Reston. Les sauveteurs descendent le grand escalier en 5 minutes, quand la même descente prit 4 jours au groupe de Holloway. Est-ce à dire que les dimensions de la maison dépendraient de l'état d'esprit du visiteur? Et quid du grondement persistant? Ce dédale recèle peut-être son propre minotaure, mais dans sa dernière version de l'étude du Navidson Record, Zampano biffa la moindre allusion à un antagoniste tapis dans l'ombre. Johnny Arendt, lui, les a reprises en rouge, tout en affirmant en être venu à le regretter. Le labyrinthe de la Maison des Feuilles se reflète dans le monumental assemblage de typographies et compositions truffées de digressions érudites où le lecteur est voué à se perdre. Le travail de Zampano, volontiers abscon, tourne largement en dérision les études universitaires, citant sans cesse des interprétations contradictoires du Navidson Record, voire son traitement dans la pop culture des années 90. Entre autres expériments, Stephen King, Steve Wozniak, Anne Rice, Hunter S. Thompson ou Jacques Derrida offrent leur regard sur le film. Chacun a un regard partiel et partiel sur le phénomène, enfermé dans les biais de sa corporation. Le format très académique du document se déstructure lorsque monte la tension, à mesure que l'on découvre les secrets de la maison. Danielewski s'amuse à étirer le temps par des considérations accessoires quand le suspense semble à son comble, Zampano prenant une distance très analytique avec l'angoisse que suscitera légitimement ce qui est décrit. Si l'écriture reste maîtrisée, la folie s'insinue donc dans le texte par le biais de sa forme, pour un temps de lecture par page variant d'une fraction de seconde à plusieurs minutes. L'ultime exploration, véritable délire typographique rempli d'une poésie désespérée, constitue le pic de puissance et d'émotion de toute la Maison des Feuilles. Ailleurs, contrainte par l'exercice de style, l'écriture varie du très sage au foutraque sans vraiment constituer en elle-même l'intérêt premier du roman. Extrait. Qui n'a jamais tué une heure? Non pas avec nonchalance ou sans y réfléchir, mais méticuleusement, le meurtre prémédité de minutes. La violence vient d'une combinaison d'abandon, d'inattention et d'une résignation dont on ne peut qu'espérer accomplir le dépassement, et donc on tue l'heure. On ne travaille pas, on ne lit pas, on ne rêvasse pas. Si l'on dort, ce n'est pas parce qu'on a besoin de dormir. Le seul indice pourrait être les cernes sous vos yeux ou une ride extrêmement fine près de la commissure de votre bouche, indiquant que quelque chose a été enduré, que dans l'intimité de votre vie, vous avez perdu quelque chose et que cette perte est trop vaste pour être partagée. Autre procédé narratif récurrent, les notes de bas de page de Johnny Heron des Zampano abondent et parfois se répondent, celles de Johnny s'avérant souvent fort longues et étrangement hors de propos. Elle narre son existence après la découverte du grand œuvre de l'aveugle et reflète la dégradation de son état d'esprit. Entre deux épisodes de débauche, il semble peu à peu ressentir le poids d'une menace indistincte dans son environnement, accompagné d'une odeur détestable et d'autres hallucinations, puis sombrer dans une inquiétude teintée de folie alors qu'une pièce secrète paraît littéralement s'ouvrir dans sa psyché. Il se renseigne sur Zampano, sorte d'ermite hypermnésique qui s'entourait pourtant d'un aréopage de jeunes et jolies lectrices. Obsédé par le Navidson Record, Johnny les rencontre pour des échanges parfois éloignés de l'objet premier de ses investigations. Quand il raconte en bas de page extensible ses aventures sexuelles ou ses crises de paranoïa, son style s'emballe jusqu'à devenir une tornade de mots. Au fil d'aller-retour entre la note et les annexes, dont une abondante correspondance, on découvre les origines de Johnny et ses traumas d'enfant bagarreur placé en famille d'accueil, orphelin de père précoce dont la mère férue de culture antique souffrait de troubles mentaux. À des années d'écart, son désarroi croissant fait écho à celui du couple Navidson. Loin de New York, William et Karen aspiraient à se retrouver. Inspiré du véritable personnage de Kevin Carter, le photoreporter s'était engagé à réduire la fréquence de ses voyages en zone de guerre, et le voici irrésistiblement attiré par les dangers de la pièce inconnue, au grand dam de sa compagne. L'ex-mannequin, dont le pouvoir de séduction constitue la valeur refuge, se trouve d'un coup entouré par une ribambelle de mal-alpha sur le pied de guerre. On peut trouver dans la pièce mystérieuse de la maison de famille une métaphore de l'abîme domestique dans lequel les couples amoureux tentent à disparaître. L'auteur, s'il se garde de toute réponse définitive, abonda dans le sens des lecteurs trouvant dans son œuvre atypique une histoire d'amour plutôt qu'un récit d'épouvante. Il y est tout aussi question d'amour fraternel quand le talentueux et déterminé William appelle à l'aide Tom, son jumeau si placide, jamais menacé par aucune espèce de succès. Zampano et toute une cohorte d'intellectuels trouveront dans la dynamique de leur fratrie une relecture du mythe biblique de Jacob et Esaü. Extrait. Elle me rend dingue. Rien que de penser à elle maintenant, je suis perdu, perdu dans son odeur, dans son attitude et tout ce qu'elle éveille en moi. Une bouffée de folie délirante et de désir curieusement réduit au silence. Des sensations sublimées à vitesse grand méant. Et merde, je ne sais pas en quoi, je ne devrais sûrement pas utiliser un mot comme sublimé, mais il ne s'agit pas de ça. Ses cheveux me font penser au vent d'un désert doré et brillant sous la brûlure du soleil d'août. Ses hanches décrivent des courbes semblables aux littoraux nordiques. Ses seins se soulèvent et s'abaissent sous son pull, ainsi que le fait un océan bien après que la tempête a passé. Que je lui jette un seul regard, même aujourd'hui, dans le miroir de mon esprit, et j'ai envie de décoller, de voyager avec elle, qui sait où, quelque part, mon désir soudain façonné par quelque chose de plus profond, voire d'inconnu, qui se déverse en moi, bannit toute réserve et suit en pensée le chemin qu'elle et moi pourrions faire, les poumons emplis de cet air grinçant d'épineux, fuyant quelque chose de désagréable, quelque chose qui brûle. En fait, tout le littoral, ainsi que des dizaines de milliers d'hectares de forêt intérieure sont en train de brûler, mais nous partons, nous nous en allons, nous sommes libres, nos mains meurtries à force de serrer quoi, je l'ignore, mais de serrer tout de même, et nos joues zébrées de larmes par le vent. Et maintenant que j'y pense, je crois que nous sommes sur une moto, une Triumph. Pour originale que soit sa forme, La Maison des Feuilles est bien un roman échappant largement à la case d'une littérature dite de genre, ou bien il serait unique dans le sien. La chronique familiale sur fond d'horreur et de satire du monde universitaire est complétée d'une réflexion aboutie sur la puissance et les limites de l'image, le choix d'appuyer la narration sur un vrai faux documentaire n'ayant rien d'anodin. Le texte de Zampano regorge d'analyses et commentaires admiratifs sur les choix d'angle et de montage de l'œuvre au cœur de la Maison des Feuilles, parfait d'un point de vue dramatique, mais impuissant à représenter la géométrie impossible du labyrinthe. Qu'il s'agisse en apparence d'une œuvre de fiction, ouvre un questionnement plus large de Zampano sur l'authenticité des images filmées, qui deviendront un jour impropres à prouver quoi que ce soit, car trop aisément falsifiables, l'humanité devant revenir à la parole et son authenticité aléatoire. Reste une remarque dérangeante qui entra le lecteur jusqu'au bout. Si le montage final du Navidson Record n'est pas un authentique documentaire, comment diable son auteur a-t-il pu réunir les millions nécessaires à en produire les effets spéciaux ? Ce malaise-là n'est pas le moindre de ceux que procure la Maison des Feuilles. Les amateurs d'inconfort y trouveront mieux que leur compte, ce qui prise les beaux et complexes kilos de papier également.